Sans trop penser. Faut pas trop penser. Si on pense trop, quelque part dans le temps, on va développer une idée. Puis elle va être en erreur. L'idée, autrement dit, elle va être planétaire. Elle va être... L'idée, elle va être planétaire. Elle va être liée à notre mémoire, elle va être liée à notre intellect, notre émotion. Je ne sais pas combien vous pouvez comprendre ça, mais je sais que c'est bien important. Parce qu'on n'a pas besoin de s'occuper de nos vies. Nos vies se créent. Nos vies se créent. S'occuper de nos vies, ça c'est totalement égocentrique. C'est ça qui nous met dans la survie. Suivre le chemin de l'énergie, de l'intelligence, puis attendre. Comme je disais après-midi, si tu mets une cuillère là, puis une cuillère là, puis une cuillère là, puis une cuillère là, l'intelligence, ça vient au niveau de la cuillère, puis au niveau de cette cuillère-là, puis au niveau de cette cuillère-là. Entre cette cuillère-là et cette cuillère-là, il n'y a pas d'intelligence, c'est des idées. Autrement dit, si vous prenez si vous faites un graphique là, du mouvement de l'intelligence, là, c'est comme si c'est un pic, puis ça descend, puis c'est un pic, puis ça descend, puis c'est un pic, puis ça descend. C'est au niveau des pics qu'on agit, c'est pas au niveau de ça. Au niveau de ça, c'est toutes des idées. Vous avez remarqué des fois qu'on a bien des idées. Tu sais, avoir bien des idées, c'est dangereux d'avoir bien des idées. Il y a des gens qui ont bien des idées, puis ils se mettent dans le trou. Que tu aies beaucoup d'énergie qui puisse créer des conditions, éventuellement, ça c'est normal. L'intelligence créative, c'est loin, ça va être vaste. Mais quand tu as trop d'idées, là, c'est les formes. C'est ça qu'ils se servent pour nous amener à sortir de la survie. C'est pour ça que le phénomène de survie est très important pour nous autres, parce que ça nous fait comprendre que dans le temps de l'intelligence, il y a un événement qui coïncide avec notre intelligence et notre volonté et qui fait partie de notre destinée. Ça n'a rien à faire avec notre plan de vie. Ça, c'est totalement créatif, puis c'est accumulatif, puis éventuellement, ça te sort complètement de la survie. Si tu fonctionnes entre les deux points, entre les deux cuillères, tu vas tomber dans des idées, puis éventuellement, tu vas réaliser que t'as pas ça. Ça marche pas. Tout ce qui est vie est facile. Tout ce qui est survie est difficile. Dans la vie, il n'y a jamais d'effort. Il n'y a jamais d'effort. Il ne peut pas y avoir d'effort dans la vie. Dans la survie, il y a de l'effort. Puis on n'est pas capable de vivre, nous autres encore, sans faire de l'effort, parce que si on ne fait pas d'effort, on a l'impression qu'on ne fait rien. Puis c'est subtil, cette vision-là. Ils disent qu'on doit faire ce qu'on doit faire dans leur temps, qui devient le temps de notre intelligence, et pas chercher à faire avant ça. Puis faire bien attention à nos idées. C'est ça que je veux commencer à parler. On n'a pas besoin d'idées pour vivre. Pour vivre, il faut savoir. Ah, il y a une vibration qui vient, puis, whoop, tu sais que t'aimeras ça à l'Amphlorite. Ou tu sais que t'aimeras ça, je sais pas moi, t'acheter une cravate. Tu le sais. Là, t'attends. Puis dans 3 semaines, tu vas en Floride, ou dans 3 semaines, tu t'achètes une cravate. T'attends. On ne reçoit jamais rien pour rien. Tu peux pas recevoir quelque chose qui fait partie de ton savoir, là, sans qu'il y ait une connexion avec le réel. Mais aussitôt qu'on reçoit quelque chose, là, on crée une sorte de d'énergie astrale autour de cette chose-là, puis ça, j'appelle ça le corps de désir, le désir subjectif. Puis c'est là qu'on fait des erreurs, puis qu'on fonctionne en relation avec la survie, qu'on ne fonctionne pas en relation avec la vie. Puis c'est très difficile pour nous autres de nous dompter à ça, puis c'est pour ça que la survie, ou vivre la survie consciemment, c'est difficile. Parce que dans la survie consciemment vécue, on cherche à l'améliorer en essayant de développer des idées toutes sortes. Puis ça fait partie de notre survie. Les idées font partie de la survie. Ils disent que c'est une illusion absolue que l'homme a de croire qu'il est obligé de penser et faire quelque chose. Mais ça, ils disent que c'est parce qu'on ne connaît pas la différence entre savoir et penser. Savoir, c'est savoir. Savoir, c'est pas penser. Savoir, c'est toujours de l'information qu'on reçoit. Penser, c'est pas de l'information qu'on reçoit. Penser, c'est de l'information qu'on déforme, puis qu'on déforme, puis qu'on déforme, et qu'on amène à la mesure de notre émotion et de notre mental. Penser, c'est de l'information qu'on reçoit et qu'on déforme pour amener à la mesure de notre état psychologique. Tandis que savoir, c'est de l'information qu'on reçoit, qu'elle soit claire ou qu'elle soit purement énergétique ou purement vibratoire, mais c'est de l'information qu'on reçoit, mais qu'on ne déforme pas. On y touche pas. Tandis que penser, c'est de l'information qu'on touche, on le taponne. On la taponne, cette information-là. Puis pourquoi est-ce qu'on la taponne? Parce qu'on ne sait pas que cette information-là, elle a son temps. Puis qu'on doit avoir on doit attendre le temps pour qu'elle se manifeste. In the meantime, parce qu'on est impatient, parce qu'on est dans la survie, on la taponne. Puis en la taponnant, bon, on se met encore plus les pieds dans le plat. T'as compris, là? Ouais. Vous la recevez avant un certain temps, parce que quand vous la recevez, ça fait déjà partie de sa descente dans la matière. Ça fait partie de son acheminement vers l'homme. Ça prend un certain temps, il y a un temps. Fait, elle descend. Ça, c'est une chose. Mais ils disent qu'aussitôt que vous la percevez, vous autres, parce qu'elle est dans sa descente vers vous, vous pensez qu'il faut qu'elle soit actualisée tout de suite. C'est là que vous faites vos erreurs. Quand tu décides, quand tu as faim, là tu as faim, ta vibration, là tu as faim. Tu n'y penses pas d'avance à manger. Tu vas manger quand tu as faim. Va au restaurant, là, tu t'en vas au restaurant. Ou quand tu es fatigué, tu vas te coucher. Tu vas te coucher. Mais au niveau de la vie, c'est la même chose. Mais on ne fonctionne pas de même. On a l'information, elle vient, puis on la taponne. Puis il y en a qui la taponnent pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Puis quand l'événement se concrétise là, dans le temps, là, ils s'aperçoivent que c'est pas pantoute comme ils l'avaient reçu avant. C'est très difficile pour nous autres de vivre au diapason de la vibration, au lieu de vivre en fonction de la valeur, de la forme, de la pensée qu'on reçoit. Je donne un exemple, on prend Croteau. Croteau, il sait que quelque part dans le temps, il va faire des conférences, il va parler, il va vulgariser. Il sait. Là, dernièrement, il y a quelqu'un qui a offert de faire des conférences. Je ne sais pas chez eux, je ne sais pas quelles conditions, là. Mais c'est pas le temps. Mais l'autre, il pousse. Il manipule, l'autre manipule à cause de ses émotions, l'énergie. Fait que c'est pas parce que tu sais quelque chose. C'est pas parce que tu sais quelque chose avant le temps. Savoir, ça va en dehors du présent, savoir. Ça va chercher de l'information dans 2 mois, 2 ans, 6 mois. Mais c'est pas parce que tu sais quelque chose avant le temps que faut que tu t'en mêles tout de suite. Faut que tu attendes que ce quelque chose-là se développe, puis que les conditions autour du quelque chose se développent. Fait que quand le temps est arrivé, c'est un quelque chose qui est créatif au lieu d'être du ketchup. Puis là, tout s'ouvre, là, tout c'est facile, là. Tout est facile. C'est ça qui crée la survie. C'est toutes ces activités-là qu'on fait depuis qu'on est jeune qui créent du matériel de survie. peux pas aller contre. L'homme ne devra pas aller contre sa vibration. Mais on se laisse influencer par nous-mêmes, puis on se laisse influencer par les autres. Donc, on va contre notre vibration. On devient piégé dans la survie. Ceux parmi vous autres qui n'ont pas de job, qui ne travaillent pas, là, imagine-toi si tu vas leur offrir un job, ils vont sauter dessus tout de suite. Mais peut-être que ce n'est pas le temps. Mais ils ont taponné tellement avec l'affaire, ils vont taponner tellement avec l'affaire qu'ils vont le faire avancer le temps. Puis pas taponner avec le temps, ça veut dire rester dans quelque chose, puis attendre que lui descende ici, au lieu de nous autres, de le forcer subjectivement. Là, je veux faire une parenthèse. Il vient un temps quand tu veux rentrer dans la vie ou quand tu veux réellement sortir de la survie, autrement dit, réellement briser les chaînes de la condition humaine. Puis tu as ça ici, là. Là, à ce moment-là, là, quand tu es arrivé à la souffrance de fond, puis là, il faut que tu changes la situation. Là, c'est plus que tu taponnes, là. Tu taponnes plus, là. Là, c'est comme si. C'est comme si tu t'enrages, Tu n'as même pas le temps de penser, puis là, tout d'un coup, ça te passe, là, puis c'est ça que tu vas faire. Toi, tu comprends ça, ce que je veux dire? C'est bien subtil, la différence entre dire, bon, ben, tu sais, tu descends en vibration, tu fais quelque chose. Dans un temps où là, tu n'as plein de bol, ou avoir l'impression que tu fais descendre la vibration quand en fait c'est que tu taponnes tellement avec au niveau de l'idée que c'est pas la vibration que tu fais descendre, c'est l'idée que tu concrétises dans ton expérience qui devient du matériel de survie. Parce que quand tu fais descendre l'énergie d'ici, à terre, cette énergie-là. Puis pour la faire descendre, il faut que tu sois dans un certain état intérieur. Donc automatiquement à terre, donc il n'y a pas de problème. Mais quand tu taponnes l'idée, là, à ce moment-là, tu penses que c'est ça qui descend, mais ce n'est pas ça qui descend. C'est simplement l'idée qui se concrétise parce que il y a des événements autour de toi qui sont là. Peut-être que, je vais te donner un exemple, là. Peut-être que ton père, il pourrait te prêter 20 000 piastres pour avoir une petite business. Il y a de l'argent de ça, ton père. Fait que toi, tu as des idées. Tu te cherches quelque chose, là. Tu veux un petit business, quelque chose. Fait que là, tu taponnes avec l'idée. Puis, ouais, il y a 20 000 piastres en decide, là, que si tu appelles ton père, tu dirais, papa, tu me prêterais-tu ton 20 000? Je veux m'ouvrir un magasin de bain. Le père, il va peut-être te jouer un petit peu, parce qu'il t'aime bien, fait qu'il va te le donner, il va te le prêter. Fait que là, tu rouvres ton magasin de bain, puis ça marche pas. T'as taponné avec l'idée, puis le 20 000 piastres, il t'a pas aidé plus. Il a fait aller l'idée, il a fait marcher l'idée. Si t'avais été dans ton intelligence, t'aurais pu savoir qu'il y a 20 000 piastres là, mais t'aurais su que c'est pas ça, l'affaire, que t'as à faire. C'est pas parce que ton père a de l'argent là qu'il peut te prêter que c'est ça l'affaire à faire. Autrement dit, on a tendance, nous autres, à vivre ou à survivre en fonction des possibilités proches de nous. Puis il y a du monde qui sont comiques. Il y a du monde qui sont tellement comiques qu'en pensant à toutes ces idées-là, là, en faisant miroiter toutes ces idées-là dans leur tête, ils cherchent toutes sortes d'ouvertures. La belle-mère, il y en a-tu? Non, il n'y en a pas. Le beau-père, il n'y en a pas? Non. Il en reste-tu en banque? Non, il n'y en a pas. Mon chum, hein, je m'en appelais mon chum, il appelle le chum, il n'y en a pas. Là, il perd de l'énergie, tu sais. Il espère tout le temps pareil. Curé, peut-être qu'il y en a, il appelle le curé, il dit, il n'y en a pas. Il essaye tout. Parce qu'il travaille avec l'idée. Autrement dit, il travaille avec une probabilité qui est dans un autre temps, mais qui n'est pas dans le temps là. Au lieu d'attendre. Quand je dis attendre, je ne veux pas dire attendre passivement. Je veux dire attendre de voir clair. Puis attendre de voir clair, c'est vibratoire, attendre de voir clair. Tu n'as pas besoin d'idées pour voir clair. Moi, je vois clair, puis je n'ai pas d'idées pantoute. Tu n'as pas besoin d'idées pour voir clair. C'est vibratoire, voir clair. C'est pas psychologique. T'attends. Mais pour pouvoir attendre, il faut savoir qu'est-ce que c'est que ça veut dire, attendre. Puis attendre, ça veut dire ne pas t'impliquer au niveau de tes idées dans une patente que tu veux faire. C'est ça que ça veut dire. Si tu t'impliques au niveau de tes idées dans une patente que tu veux faire, tu peux pas attendre. Attendre, ça veut dire pas s'impliquer. Tu sais que tu veux t'acheter un bâton de golf, tu sais qu'il y a une affaire de golf que tu pars ici, là. Mais tu sais que mais il ne faut pas au niveau de ton idée. Parce qu'au niveau de ton idée, tu vas aller jouer au golf avant de temps, tu vas te casser une jambe. Ça, c'est tellement subtil, ça. C'est tellement subtil, puis c'est tellement dur pour nous autres apprendre que c'est bien dur. Tu vois. Moi, je me rappelle quand j'ai marié ma femme, elle disait, j'ai des trous dans mes bas. Elle disait, j'ai une ronde dans mes bas. Elle disait, j'ai besoin d'une paire de bas. Je disais, c'est pas le temps. Fait qu'on allait à Chieton, puis elle disait, ouais, mais j'ai besoin des bas. Je disais, c'est pas le temps. Je disais, suis-moi, on va aller en haut, on va aller voir les télévisions. On regardait la télévision, puis on faisait le tour du magasin parce qu'on n'achetait rien. On ressortait du magasin, on rentrait. On faisait tous les planchers, puis on ressortait. Pour s'en aller chez nous. J'ai fait ça pendant 4 ans de temps. Pas le temps. Dans 3 semaines. Puis dans 3 semaines, là, c'était le temps. C'est une paire de bas. Qu'une, pas deux. Une. Puis si jamais vous rencontrez ma femme un jour, puis vous lui demandez si elle comprend ça, ce que je dis, quand c'est pas le temps, elle va vous dire oui. Puis si vous lui demandez comment est-ce qu'elle l'a appris ça? Elle va vous dire comment est-ce qu'elle l'a appris, puis elle va vous dire comment est-ce que c'est difficile à comprendre ça. Parce que là, tu tombes au niveau des petites choses ordinaires, là, une paix de bas. C'est ça n'est niaiseux, c'est pas le temps, une paix de bas. Ça y a pris 4 ans pour comprendre ça. Le timing, je parle souvent du timing. Les gens parlent de timing. Cul timing. Mais on va vous dire une chose, le timing, c'est la clé qui vous permet de faire des choses, c'est ça matériel, dans une période qui est optimale et qui coïncide parfaitement avec votre destinée. Anything short of that, vous vous mettez sous les influences planétaires et vous risquez de perdre. Autrement dit, de vous créer du matériel de survie. Si un gars venait me voir un matin et il disait, Bernard, m'a donné 100 000 piastres, 300 000, 400 000 piastres, on ouvre une compagnie, je dirais, c'est pas le temps. Il y a un temps. Peut-être il m'a dit, mais tu peux pas ouvrir la compagnie avant 2 ans et demi, 1984, à tel mois, là. Viens me voir en 1984, tel mois, avec la même offre, il m'a dit, ouais. Toute l'information va être là, les contacts vont être là, tout le monde va être là, tout va se faire seul, ça se fait seul. Le gars va dire, Chris, 2 ans et demi, hey, j'ai des intérêts que je perds, pis tout. Mais perds-les tes intérêts. Le gars, il veut pas perdre ses intérêts. Il va se mettre sa business tout de suite, il va perdre sa business, son argent, plus ses intérêts. C'est le même que ça marche. C'est pas normal qu'un homme aille en faillite. Un homme qui va en faillite, c'est parce qu'il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans le temps. Le temps n'est pas correct. Parce que le temps, qu'est-ce que c'est le temps? Le temps, c'est la création d'événements par les forces de la lumière. C'est ça du temps. Le temps, là, le temps, le vrai temps, le bon temps, c'est la création d'événements par les forces de lumière. Si tu agis en dehors de ça, automatiquement, tu t'es sujeté à des conditions planétaires. Demandez ça à Ménard, il va vous expliquer ça. C'est notre là. Puis on fait ça constamment. Ah. Quand tu fais ça des milliers, des centaines de milliers de fois, puis des millions de fois d'une vie, il me fait une douée chose qu'au bout de 40 ans, tu es dans une situation, dans un marasme qui est ce qu'on appelle de la survie. La job qui ne fit pas, la femme qui ne fit pas, les enfants de trop. Tu as toute une patente, là, qui ne fit pas. Ça, on appelle ça de la survie. Là, tu es obligé d'aller à la job, tu es obligé de nourrir la femme, tu es obligé de supporter les enfants. Ça, c'est la vie humaine. Moi, j'ai un ami de femme, elle dit, elle avait une fille. J'ai dit, tu n'as un enfant, là, c'est assez. Tu n'as pas besoin de plus qu'un. Anything else is over. C'est trop. Non. Les sentiments maternels, les grosses bidonnes, ben, elle en a eu un autre. Il est trop. Puis il est infirme. Tout le maternalisme, là, son spiritualisme, là, ça n'en paye le prix aussi. Pas un enfant, ça prend deux enfants. Faut que tu saches si ça t'en prend un ou si ça t'en prend deux. Il y en a, ça leur en prend deux. Il y en a, ça leur en prend un. Il y en a, ça leur en prend la moitié d'un. Il y en a, ça leur en prend pas pantoute. On se laisse influencer. Elle en a eu un de trop. Elle sait aujourd'hui qu'elle en a eu un de trop. La maternelle. Timing. Tout est dans le timing. Puis quand vous allez comprendre là, que tout est dans le timing, là, vous allez voir que la vie, elle se compose. Elle se compose seule. Seule. Tu ne fais pas d'effort. Elle se compose seule. Là, aussitôt que tu fais un effort subjectif, personnel, dans vie, t'es dans survie. Là, je vous donne ça, ces grandes lignes-là, en fonction de votre conscience demain. Demain, vous allez comprendre ça. Aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des efforts pour fonctionner, c'est normal. Mais je suis obligé de vous expliquer les mécanismes opératoires de la conscience supplémentaire. Les mécanismes opératoires de la conscience supramentale, ce sont des mécanismes qui sont totalement déconcentrés de l'ego. L'ego n'est pas impliqué dedans. L'ego, il va avec. Timing. Sans ça, on tombe dans survie. Puis plus on se conscientise, puis plus on prend conscience, parce que quand tu te conscientises, tu prends conscience de certaines possibilités. Tu prends conscience de certaines possibilités, surtout les gens qui ont la parole, qui peuvent parler. Tu prends conscience de certaines possibilités. Mais tu t'aperçois aussi que, toujours après expérience, parce qu'on comprend ça rien que par expérience, tu t'aperçois qu'effectivement, c'est pas le temps. C'est pas le temps. On dit ça souvent, c'est pas le temps. Mais autant on se dit, ouais, c'est pas le temps, autant on n'est pas capable, dans l'instantanéité d'un événement, de dire, ouais, c'est pas le temps. C'est un qu'après réflexion qu'on dit, c'est pas le temps. In the meantime, on a fait du matériel de survie. Fait qu'ils disent, notre survie, on se la crée, notre survie. Au lieu de laisser à l'intelligence nous créer notre vie. Une fois qu'on est dedans, parce qu'une fois que tu es dedans, tu es dans sa volonté, tu es dans son intelligence, tu es dans l'intelligence, là tu crées la vie comme canard. Mais on s'implique tellement dans nos idées qui sont positives, qui sont élevantes, qui sont spirituelles, qui sont bonnes, qui sont fines, qui sont ci, qui sont ça, qu'on s'apprend. Fait que le problème de la survie, il y a plusieurs facettes. Il y a une facette concrète qui nous fait réaliser que dans vie, un jour, il faut qu'on en arrive à faire ce qu'on veut. Faut qu'on en arrive à plus avoir peur d'avoir peur. Ça, c'est un aspect. Mais il y a l'autre aspect qui nous fait réaliser que pour sortir de la survie, il faut connaître les lois du temps, de l'action et des événements pour pas empirer notre survie. Et c'est ça, là, c'est comme un petit tunnel. C'est un petit tunnel bien mince, ça, qui nous amène, qui nous fait passer de la survie à la vie. Mais si on comprend pas ça, l'affaire du timing, on peut pas passer de la survie à la vie, parce que l'homme ne pourra jamais créer, vivre sa vie avec son intelligence et sa volonté, s'il y a encore en lui un déphasage au niveau des événements. Parce que d'autres, les forces de l'intelligence ne veulent pas qu'on agisse avec notre astralité. Ils veulent qu'on agisse dans leur temps, qui est en harmonie avec notre destinée, qui est consistant avec notre intelligence et notre volonté, quand l'événement vient. Si on fait avant, on fait interférence. Parce que là, il y a bien de l'idée qui nous passe dans la tête. Puis plus on se conscientise, plus on a de l'idée. Mais ça, c'est une trappe. C'est une trappe. Faut qu'on s'habitue à sentir le temps. Ça se sent, le temps. Si quelqu'un dit quelque chose, tu le sens tout de suite si c'est le temps. Ou si c'est pas le temps. Vous devriez être capable de sentir si c'est le temps ou si c'est pas le temps. Ça se sent du temps. Définitivement, ça se sent du temps. Du temps, ça se sent concrètement. C'est vibratoire. Je peux pas te dire plus que ça. C'est une vibration qui bloque l'idée. Le temps, c'est une vibration qui bloque l'idée. L'idée, c'est une forme qui engage l'ego. Le temps, c'est une vibration qui bloque l'idée. Hein? Le temps, c'est une vibration, c'est une énergie qui bloque l'idée, qui te met sous une autre loi, qui te met sous une loi de la conscience et non sous une loi planétaire. Ça, je peux pas vous l'expliquer. Je peux vous l'expliquer. Mais je peux pas vous l'expliquer plus que ça parce que c'est le dénominateur commun, ça. Le temps, c'est vibratoire, ça se sent, c'est une vibration qui bloque l'idée. Puis s'il y a une concordance entre une action et le temps, tu n'as plus besoin d'idée. Tu le sais. C'est un peu comme aller manger. Tu n'as pas besoin d'idée pour aller manger. Tu vas manger. Ça va la même chose. Ah, ça n'existe pas, ça apparaît. Non, la paresse, ça n'existe pas. La paresse, ça n'existe pas. C'est une illusion psychologique, ça, la paresse, qui provient de l'insécurité de l'ego vis-à-vis de lui-même et qui réfléchit l'incapacité de l'ego de faire ce qu'il voudrait au niveau de ses idées, mais qui ne peut pas concrétiser parce que ce n'est pas le temps. C'est ça, la paresse. Voilà. On n'est pas capable d'agir ou de pas agir sans réflexion. Si on agit, on agit avec réflexion. Si on n'agit pas, on n'agit pas avec réflexion. On réfléchit toujours, on réfléchit l'action et l'inaction et on la colore. C'est l'inaction, mais on appelle ça la paresse. Si c'est trop d'action, on appelle ça du zèle. C'est pas nous autres qui engagent le mouvement. Il s'engage à travers de nous autres, le mouvement. Le mouvement, il s'engage à travers de nous autres. Regarde, là, ma main est là, là. Je suis même pas capable de l'enlever de là, ma main. J'ai pas suffisamment d'astralité pour enlever ma main de là. C'est là qu'il faut qu'elle soit, ma main. Là, je suis capable. Il y a un temps pour enlever ma main de là. Ça ne paraît pas quand tu es tout intégré, tu l'enlèves, tu l'enlèves. Et quand tu fais le point, ça va loin la conscience. Ça va jusque dans le bout des doigts. Mais nous autres, on met toujours notre ego dans l'action puis dans l'inaction. Si l'inaction, on appelle ça paraître. On est toujours en dehors du temps. C'est pour ça qu'on se crée du matériel qui devient de la survie, parce qu'on se met toujours dans le rouge. Tu maries une femme à 18 ans, tu as 5 enfants, tu es dans le rouge tout de suite. Point elle, toi aussi. Puis on fait ça pendant des années de temps. Fait qu'on accumule du matériel, puis éventuellement, on n'est plus capable de s'en sortir. Quand une femme a 5 enfants, tu ne sors pas de cette affaire-là de même. Là, les sentiments puis la culpabilité rentrent là. Tout. C'est le même qu'on dit. Il faut qu'on soit dompté par l'énergie pour en arriver à vivre de même. Puis ce que vous souffrez ou ce que vous allez souffrir des années à venir, quand vous autres, là, ceux qui ont été créatifs, comme il y en a une parmi vous autres, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, qui faisait de la mode, d'un temps, faisait de la mode. C'est une modiste ou elle faisait des dessins de mode, pas une modiste, mais en tout cas. Bon, c'était bonne. Elle marchait à son affaire. Ça, c'était des idées. Elle avait des idées, c'était tout contrôlé par l'ego. Tu sais quoi, vient Saint-Séminaire, puis ça tombe frais. Là, elle est plus capable. Elle est plus capable. Là, t'as tout énervé. Qu'est-ce qui se passe? Avant, j'étais bonne, là, je suis plus bonne. Ça, c'est l'énergie qui dompte l'ego, pour que l'ego en arrive à travailler dans son temps. Quand que l'ego est arrivé là, puis à travailler dans le temps de l'énergie, à ce moment-là, ça recommence, la mode. Mais sous la vibration de l'énergie, dans le temps de l'énergie, puis là, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. C'est pour ça que c'est si dur pour nous autres de sortir de la survie. Le résultat de l'action va te faire savoir si c'est ça que tu devais faire ou si c'était pas ça. Puis si tu es dans ton intelligence, si tu es dans ton temps, si tu es dans le temps de la vibration, tu vas voir que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis si tu n'es pas dans le temps de la vibration, tu vas voir que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour apprendre à faire autre chose. Pour apprendre que c'était pas ça qu'il faut que tu fasses. La moitié de toi qui ne veut pas être là-dedans, c'est la partie de toi qui est intelligente. Puis l'autre partie, c'est la partie de toi qui est ignorante. Jusqu'à temps que la partie ignorante disparaisse complètement puis qu'elle reste la partie intelligente. Mais la partie ignorante, elle ne veut jamais collaborer avec la partie intelligente. La partie ignorante, elle veut toujours se fourrer le nez dans le jeu de la partie intelligente. C'est ça qui crée de la survie. Puis surtout si vous avez des moyens extérieurs. Si vous avez une belle-mère qui vient de mourir, ou l'Auto-Québec, que vous venez de gagner en 20 semaines, ou un chum. Si vous avez des moyens extérieurs, là automatiquement, là, vous allez vous servir de vos idées. Automatiquement. Qu'est-ce que je pourrais faire avec le 40 000 de la belle-mère? Au lieu d'attendre, c'est pas le temps. Laisse-la à la banque. D'un coup, la situation vient, puis là, c'est le temps de s'en faire. C'est toujours la personnalité. C'est toujours la personnalité. La fausse personnalité, elle est faite de matière qui n'est pas totalement évoluée au niveau émotionnel et mental. C'est ça qui crée la fausse personnalité. Puis à perdre de l'énergie, puis à perdre de l'énergie, puis à perdre de l'énergie. Puis on fait toujours ça. On est pressé par nous autres-mêmes. Ils disent qu'on n'est pas capable d'attendre. On ne sait pas ce que ça veut dire attendre. On rationalise l'attente, puis on dit ça n'a pas de bon sens, ma situation. Puis on réalise pas que la situation qui n'a pas de bon sens est justement la situation qui va t'amener du bon sens. Parce qu'elle change la vibration de tes corps. Mais comme on s'inquiète puis qu'on pense à notre situation, puis qu'on la rationalise, on se coupe de notre intelligence. Elle est dans une situation parfaite de cet incite-là, pour bénéficier de ce que je dis. Elle, elle a deux options. Se servir de ses idées, puis chercher dans sa tête des idées, ou subir la pression de la condition développée par l'énergie sur ses corps, puis attendre que la pression grandisse, puis qu'elle grandisse, puis qu'elle grandisse, puis que ça éclate, puis que là, l'énergie passe, l'intelligence passe, puis elle sait exactement quoi faire. Fait qu'en attendant, soit qu'elle vive au niveau des idées, qu'elle se ronge le cerveau, autrement dit, ou qu'elle s'assoie sur ses deux fesses, puis qu'elle continue à pâtir la situation pour que la situation, pas de sang, pétrisse ses corps pour que l'énergie passe à travers son mental, son émotionnel. Pour qu'elle sache exactement que c'est ça qu'il faut faire. Puis la condition expérientielle, psychologique de l'homme vis-à-vis ça, elle est manifestée souvent de fois dans la société. Les gens vont dire, « Ah, j'ai une idée. Comment ça se fait que j'avais pas ça, cette idée-là, avant? » C'est si simple. Hein? C'est ça. Le timing. Ils disent que le meilleur temps pour la pénétration de l'énergie de l'intelligence, c'est quand on est au mur. Parce qu'il n'y a plus de place à aller. Mais ils disent qu'on fait une erreur quand on est au mur. Soit qu'on se met à quatre pattes qu'on pleure, ou qu'on veut défoncer le mur avec des coups de poing, puis tout en briques. On n'est pas capable de rester là devant le mur, puis attendre que notre énergie devienne tellement forte que le mur pète. Fait qu'on se fait mal aux mains. Tu peux pas péter le mur avec des idées. Faut que tu pètes le mur avec de l'énergie. L'énergie qui pète le mur, mais c'est l'énergie qui rentre de la condition des événements qui compressent ton état psychologique qui éventuellement te fait vibrer tellement, puis là, ça passe. Là, tu vois de l'air, c'est ça. Là, tu prends des décisions parce que tu es dans la volonté. Tu prends bonne décision parce que tu es dans l'intelligence. À ce stage-là, tu apprends des décisions. Tu n'as pas de mécanisme intérieur qui t'empêche d'apprendre. Tu apprends. Sauf qui peut. Parce que nous, à l'intérieur de ce qu'on appelle la survie, nous autres, les gens ont différents états de vie dans la survie. Il y a des gens qui ont des survies assez plaisantes, il y a des gens qui ont des survies qui sont agréables, il y a des gens qui ont des survies qui sont même enrichissantes sur le plan psychologique. Il y a des gens qui ont des survies difficiles. Une qui a une survie qui est presque plaisante, c'est Gilles Robert. Il y a une survie plaisante. C'est l'aspect positif de la survie. Mais ça fait partie de sa vibration, ça fait partie de son plan de vie. Lui, la job le pousse dans le dos, le business le pousse dans le dos, il y en a trop. C'est l'opposé de nous autres. S'il n'était pas assez conscient, il pourrait souffrir de sa business. Il souffrirait de sa business. Là, il travaillera fort. Puis il travaillera. Il se fera pousser par la business, puis il y a une crise cardiaque. C'est le monde, les gens. Qui transforme une survie plaisante en éventuellement un fléau humain. Il est assez bright pour comprendre la game. Fait que c'est un couteau en deux tranchants, la survie. Mais où on la manipule, notre survie, où on la rend plus pénible, c'est quand on ne sait pas comment utiliser nos idées. Parce qu'il y a une différence entre des idées et une pensée. Vous autres, vous pensez que des idées, c'est des pensées. Des idées, c'est pas des pensées. Des idées, ce sont des pensées dépensées. Des idées, ce sont des pertes d'énergie de la pensée. Une idée, c'est une perte d'énergie d'une pensée. Si vous regardez ceux qui ont des écrans mentaux de télévision, si vous regardez une idée, puis vous regardez une pensée créative comme la mienne, vous allez voir que ça a deux couleurs bien différentes. Tu n'as pas besoin d'idée pour vivre. Tu crées. Tu n'as pas besoin d'idée. Tu pars directement de l'intelligence. Tu manifestes. Si tu commences à créer des idées, puis à former des idées, automatiquement, tu vas perdre de l'énergie au niveau du mental. Parce que tu vas essayer de faire quelque chose de bien. Tu vas essayer de bien décorer ta maison. Tu vas essayer de bien travailler sa job. Tu n'as pas besoin d'essayer de bien travailler sa job quand tu es conscient. Tu travailles bien, anyway. Puis si tu travailles mal, tu travailles bien, anyway. Tu peux faire vibrer peut-être ton patron. Laisse ça, Mme Croteau. Mais si tu veux bien travailler, sa job, il y a du monde, sa job, qui aime, ils veulent bien travailler, ils veulent faire plaisir au patron. Ils travaillent bien pour le patron, mais ils travaillent mal pour eux autres. Fait que là, le patron, il va prendre avantage que vous travaillez bien. Il va vous donner une petite augmentation de salaire pour que vous continuez à travailler bien. La première chose que vous allez faire, c'est de l'overtime. La première chose, votre mari ne vous voit plus le soir ou vous ne voyez plus votre femme le soir parce que vous travaillez trop bien. Vous êtes tellement un bon travailleur. Le patron vous dit, c'est indispensable, bien que tout travaille bien de même, tout est content, tu continues à travailler encore mieux. Puis éventuellement, tu travailles tellement bien que tu es malade. Mais si tu travaillerais un petit peu moins bien, le patron, te lâcherait, ça fait que tu as plus de temps, plus d'énergie à toi. C'est subtil de bien travailler. Il y a des gens qui travaillent trop bien pour leur santé. C'est subtil l'affaire du travail. Il y a des gens qui se rendent malades à bien travailler pour le patron. C'est bon de temps en temps de travailler un petit peu mal pour pas qu'ils pensent que vous soyez trop au bout. Pas trop mal, mais un petit peu de temps en temps. C'est bon de faire des erreurs un petit peu. Non, il y en a, il ne faut pas qu'ils fassent d'erreurs. Tellement qu'ils s'aiguisent les nerfs, ça devient des perfectionnistes. Puis aussitôt qu'ils font une erreur, là, ils sont mal. Ils ne digèrent pas le midi quand ils vont luncher. Et tout ça, c'est même.